ce soir. Tu me l'as invité, direct à la piole, n'a pas hésité. À tous les choses bien, look la go papa. Ouais, yo maé, avec la faute papa. Elle était bien emballée, ils sont côté à la cam. Quand Jimmy try de touche la go, elle s'est la mine et elle est là. Jimmy, Jimmy, attends, attends. Gabana, Mugelito, yeah, baba. Yeah, baba.